une station de métro bouchée, un bouche à bouche, t'entends un chant de passion couché. Et faut chercher les aiguilles dans les bottes de foin. Faut botter le groin de ceux qui troussent les filles sans fin. Ok, je tousse et pousse mes billes dans les bourses des autres. Tu sais que c'est ça, frangin, il faut que tu tapes la course et saute. Retiens ta frange, esquive l'engin et crache pas sur les braises, s'il te plaît. Barthèse, les phrases, la corrèze et les fraises, ça me plaît. C'est tout comme Staveronaise, je me souviens, c'est fou comme elle dise, elle baisse pour rien. Mais viens, viens, il faut que je te montre autre chose. Hey, joue son rôle, elle permet à mon stylo oh, de parcourir son sentier, escoute jamais. Hey, je ne fais que rapper, mon nom c'est oh, oh. Tu ne fais que l'écouter, une bouteille de vin. Tu te rends compte, c'est le destin si tu rencontres avec les tiens. Attache les liens, d'un côté à l'autre du globe. À l'aube, à l'attaque comme des faubes. Et petit, si je suis là, surveille ta robe. Des chiens qui chassent un apache, qui chasse, qui chante sa chute. Mais bon, chacun cherche son chat. Moi, je suis proche des cris, des flèches tachons, de prêcher les sushis. Mon penchant pour les chats s'accroche, décroche du hachis, j'approche ta poche. Ce que je te reproche, c'est ton péché de chasteté. Tu choumes ma porte, as-tu déjà vu ça, je pète, cherche pas. T'as vu jamais, il se fâche l'été. C'est chaud, j'ai plus de tout pour pécho. J'ai plus de réchaud pour fécho ma choucroute. Et si je broute des chats, c'est pour chasser les chimères. Aujourd'hui l'ennemi s'est permis la sortie. Mon ami et moi vie avons accepté un défi des tours avant de s'arrêter. Si c'est deux tu vis, sinon tu te fais tuer d'os. Elle nous met de l'avance direct dans l'os. Un coup de crosse au micro, style féroce. Les îles Galapagos, en passant par l'Écosse. Des colosses au flot rapide, on coupe mal à un poste. Y'en a qui disent nique ta mère, qui sympathisent d'une sale manière. Et mon arrière-grand-père s'appelait Homer. Et le maté, c'est amer, crâneur. T'as misé sur ta dernière heure, c'est une clameur pour le mec qui claque, c'est une rumeur d'un mec qui cherche son bonheur, qui exécute le malheur, pleure et vise la phrase de Pérez avec Thérèse l'anglaise qui brise la glace sur sa chaise, mais mal à l'aise, balèze avec ses phases de maltaise. Le bruit des bus, c'est le bruit de mon quartier, les nuits pupus, tu pourras venir me visiter, t'inquiète pas, on sera seul, en tout cas, tout ce qu'on veut, on le fera, je te tiens dans mes bras, la vie c'est comme ça, tout est bien, qui finit bien, hein. Tout est bien. Je le prends, si tu me mens, bouge du vent. Les lèvres rouges comme le sang. Maintenant écoute, tu comprends, je suis au bout du mouvement. Tu sais que je kiffe les vélos. Et que je fume des spiffs, des bédos. Et qui se dégriffe et perce la peau des vélos. Si t'as les fesses déguisées, esquive la force des costauds. Alors prends note mon popo, comme Pimbo dans l'eau. Au profond de mon océan, des pensées, des mots. Je suis censé pas loco, des couplets, des vers chauds. Au Chili c'est le verano, l'hiver on joue au domino. Au domino, tu m'as miné, non. Mon numéro c'est pas le 1009, j'termine en moyennant. Tout en mimant, j'ranime les bœufs et maintenant. Et maintenant, faut bouger les seufs, faut bouger les seufs. Eh hey, faut bouger les seufs. La nuit, des teufs pleines de meufs. Costar 9, pousse des bœufs, kill des coffres. Casse des crânes comme des œufs. Et neuf, assez de rimes, neuf, tu dis. Assez de rimes, neuf. Et oui, j'suis pour les poires, pour l'amour, pour les pères, pour le jour, pour ma mère, et oui, pour ton parcours. J'suis pas pour lécher père du père dans la cour, j'suis pour les pères de preux qui percent les sourds. Et comme du pain, on sort du four. Tu cours comme une rate, tu cours tout court. Sur un décor en velours, verra. Plus jour, j'assure sur un jour, sur la scène, sur le mur. Attention, attention, ça initie la potion. Sans pression, la session pousse les passions. Si on ces sensations, c'est parce que c'est notre mission. Donc passe ton audition, car t'as